Thank you. Hey. No, no, no, no, no, yeah. No, la, la, la, la, la. I just play, yeah. Today. Shaban Show, it's Shaban Show, yeah, it's Shaban Show, Shaban Show. For you. And I say it for you. C'est Phil ou c'est Mickey? Mickey. T'as reconnu? viens de trouver un job. Pour 4 mois, mais c'est toujours ça. Thank you. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler pour une boîte qui fabrique des skis. Enfin, qui les diffuse en France. Et voilà. Donc, à vos skis, les mecs. Mais par contre, vous venez y jouer, ça c'est clair. Ça c'était mon gros kiff. Ouvrir un jazz bar, comme tous mes potes musiciens. Thank you. C'est pas bon, enfin si c'est bon, ça dépend.